Nous reprenons maintenant notre étude de l'évolution des représentations de l'animal. Au XVIIe siècle, le philosophe et mathématicien René Descartes va introduire une grande rupture dans la façon de se représenter les animaux. Pour comprendre cela, il faut d'abord bien comprendre les grandes idées de cet auteur. La première étant que Descartes va défendre une conception mécaniste de la nature, et la deuxième grande idée est qu'il va défendre une conception dualiste du rapport entre le corps et l'esprit. Donc on va expliquer ces deux idées, dont il va déduire ce qu'on va appeler sa théorie des animaux-machines. Alors, donc René Descartes, qui est né en 1596 et qui est mort en 1650, était un philosophe et mathématicien français, contemporain de Galilée, qui participa comme lui à la naissance des sciences modernes. Descartes s'oppose à la pensée scolastique, c'est-à-dire la pensée qui était dominante à son époque, qui était enseignée dans les universités, qui était très inspirée par Aristote et en même temps par les écrits bibliques. Alors vous vous souvenez que Aristote défendait une conception particulière de la nature. Pour lui, la nature était un ordre finalisé, autrement dit, dans lequel chaque être avait une certaine finalité, c'est-à-dire comme une espèce de but à atteindre, une fonction à remplir dans la nature. Et donc, les mouvements des êtres dépendaient de leur finalité, du but qu'ils avaient à atteindre. Vous vous souvenez, Aristote distinguait des mouvements naturels qui consistent pour l'être à poursuivre sa fin, à atteindre son lieu naturel, et des mouvements violents qui, au contraire, le détournaient de sa finalité, le détournaient de son but. Voilà, ça, c'était la conception d'Aristote. Pour lui, cette finalité, ce but de l'être, résidait dans son âme, l'âme étant un principe d'ordre et d'animation de la matière, constituant un être. Voilà. Pour Aristote, un être, c'est un être vivant, c'est une association entre une matière et une âme qui, à la fois, organise cet être et le met en mouvement. Et donc chaque être vivant, pour Aristote, est pourvu d'une âme qui le pousse à se mouvoir en vue de réaliser sa finalité. Bon, eh bien, Descartes, lui, va s'opposer complètement à cette conception. Et donc, contre le finalisme, Descartes va défendre une conception mécaniste de la nature. C'est-à-dire que pour Descartes, on ne peut pas identifier de finalité des êtres. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître. Descartes, lui, conçoit la nature un petit peu comme une grande horloge, comme un grand mécanisme. C'est-à-dire que les mouvements des corps résulte des forces qu'ils exercent les uns sur les autres, à la façon des pressions mécaniques que les rouages d'une horloge exercent les uns sur les autres. Mais il n'y a pas besoin de faire intervenir un but à atteindre par ces êtres, hein, par ces choses. Et donc pour Descartes, la science va consister à identifier les lois du mouvement, ces lois qui vont expliquer le déplacement d'une partie de la matière. Chaque partie de la matière étant chaque déplacement d'une partie de la matière étant l'effet d'une force exercée par une autre partie de la matière. Voilà. Un corps, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine partie de la matière qui peut être déterminée par des propriétés comme la hauteur, la largeur, la profondeur. Voilà. Ça, ce sont les propriétés de la matière qui sont mesurables et elles exercent des forces les unes sur les autres. Et donc les mouvements des corps doivent s'exécuter selon des lois régulières que le savant peut déterminer. Alors ça, c'est notamment une conception de la nature qu'il a exposée dans son Traité du Monde. Hein, je vous avais donné un passage à lire dans le corpus portant sur la révolution scientifique. Donc dans ce Traité du Monde, Descartes déclare ceci. Sachez donc que par nature, je n'entends point ici quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même en tant que je la considère avec toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises comme tout ensemble, et sous cette condition que Dieu continue de la conserver de la même façon qui l'a créée. Donc il nous dit, voilà, la nature, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'ensemble de la matière, et cette matière, elle se comporte selon des lois. Alors Descartes nous dit, ce sont les lois que Dieu a établies, des lois régulières qui sont les mêmes pour toute partie de la matière. Elle s'applique uniformément à tous les corps. C'est ça l'idée. Il rajoute ceci, pour mieux comprendre ceci, souvenez-vous qu'entre les qualités de la matière, nous avons supposé que ces parties avaient eu divers mouvements dès le commencement, qu'elles ont été créées, et outre cela, qu'elles s'entretouchaient toutes de tous côtés, sans qu'il y eût aucun vide entre deux. Pour Descartes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la matière est en relation de continue, hein, il n'y a pas de vide chez Descartes. Bon, ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel d'autres auteurs de son époque ne vont pas être d'accord. Bon, Descartes, il a cette idée que la matière est entièrement pleine et donc toutes les parties de la matière exercent des forces les unes sur les autres et c'est comme ça qu'on explique les mouvements. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser une finalité, hein, ce sont des mouvements purement mécaniques. Voilà. Et pour Descartes, cette conception générale de la nature, eh bien, elle s'applique également aux organismes vivants. Les organismes vivants s'insèrent dans cette grande matière, ce sont des corps matériels. Et donc le fonctionnement des organismes vivants, en tant qu'il s'agit de corps matériels, il doit pouvoir s'expliquer de la même façon que pour n'importe quel autre phénomène. C'est-à-dire que les mouvements d'une horloge, ce ne sont pas différents des mouvements d'un corps vivant. Un tout déplacement d'une partie de la matière, c'est l'effet d'une force. Donc les mouvements d'un corps vivant, voilà, les mouvements d'un bras, d'une patte, les mouvements d'une plante qui pousse, eh bien, ça doit pouvoir s'expliquer par les mêmes principes que si on explique les mouvements, par exemple, d'une pierre qui roule, d'une pierre qui tombe, ce sont les mêmes forces.